Game Trip FM, c'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur YouTube. Wesh ma gueule. Bien, t'as vu ? T'as vu. Ah, bonjour à tous, bienvenue. Tu étais surpris, Yako, par ce « Ah ». Bienvenue pour le 28e épisode, 8e et dernière émission de la 3e saison de notre émission Game Trip FM, l'émission du site gametrip.net, le site de rétro gaming le plus vieux d'Internet. Et selon le dernier sondage, Sofres, CSA, Cofidis, le chat machine Pornhub, c'est le site de rétro gaming préféré des pangolins et des chauves-souris. Émission spéciale puisque c'est la deuxième ce mois-ci. Et oui, il y en a eu deux en avril, histoire de vous faire un peu passer le temps pendant le confinement. Un peu spécial aussi car on est là pour une heure seulement cette semaine. Et à distance, évidemment, vous voyez la bande de joyeux zozos à l'écran qui sont en train de faire du langage des signes. On est tous là, on est tous chaud bouillant pour cette dernière. Je vous invite évidemment à revoir la première partie de cette émission sur youtube.gametrip.net. La team est donc au complet. Vous le voyez à l'écran, on va les présenter comme on a fait chaque émission cette saison par leur spécialité. On a tout de suite en dessous de moi la musique avec Jack Prophète. Salut Jack. Salut les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très bien, c'est parfait. Vous êtes sur Game. Non, arrête. Gaming. Ils vont croire, ils vont partir. On a aussi les jeux mobiles avec Yako qui est juste là. Salut Yako. Ah, par contre, on t'entend pas, Yako. Ah, on l'entend plus, Yako. Ça y est, il y a encore une fois son problème de micro. Ah, ça y est, on m'entend. Non, pas les jeux mobiles, non. C'est pas possible, ça. Les Play mobiles. Ok, Minecraft. Les jeux débiles. On a aussi le. Qu'est-ce qui se passe? Tu joues à un jeu mobile. Tu es en train de jouer à un jeu mobile. C'est dégueulasse. Et nous montre un téléphone. On a aussi une grosse trace blanche sur ton téléphone. On a aussi le Meporg avec Jay qui vient de s'exprimer juste là. Salut, Jay. Salut. Et on a enfin le courant triphasé avec Juju qui est juste à côté de moi. Salut Juju. Ah. Comment t'entends? On t'entend, parfait. Oui, on t'entend. Ah, t'as un problème de masse. Parfait, je suis là. Ils ont pas tous masse. Le même maillot, hein, vous le voyez, mais en tout cas, ils ont tous la même passion. c'est ce qui fait qu'on est tous réunis une dernière fois. Très beau t-shirt, Jack. Dernière fois de la saison sur Game Trip, c'est évidemment la passion du rétro gaming qui nous anime aujourd'hui. Quatre experts dans le vent pour parler Control, Jack, pour parler Jay. C'est quoi Control? C'est un jeu vidéo. Ah non, mais je voyais pas ce qui était écrit sur ton t-shirt. Ouais. Moi j'ai une casquette Watch Dogs, mais vous voyez pas. Mais vous le voyez à l'écran, mais eux ne le voient pas. Et pourquoi on ne voit pas? Parce que je ne peux pas streamer et en même temps. Moi je le vois. Que vous me voyez. Voilà, toi tu me vois puisque tu es sur youtube.gametrip.net pour regarder cette émission. Et vous ratez rien, il est moche, comme d'hab. Quatre experts dans le vent, sauf Yako, donc, qui sont là pour parler du rétro gaming. Émission spéciale, vous allez le voir, de l'actu des oldies pendant les 15 prochaines minutes. À 16h20, on va faire le tour de l'actu non oldies également avec le tout venant de l'actu. On rappellera les règles pour Jack. Et puis, émission spéciale, dernière battle des gros beats. Vous le savez, c'est les grosses têtes, mais avec des petits beats. L'équipe Dallas et l'équipe Samouraï s'affrontent pour la dernière fois. Sauf Dallas. Et oui, l'équipe perd. On va payer le tacos à l'équipe gagnante à la fin du confinement. Après le confinement, évidemment, ne sortez pas de chez vous en attendant, évidemment. En 2022, par là, quoi. Ouais, à peu près, ouais, dans ces eaux-là. N'hésitez pas à nous interpeller directement. Vous le voyez juste à côté, là, il y a le chat pour discuter avec nous en direct sur le YouTube officiel. Suivez-nous aussi sur les forums discord.gametrip.net. Et puis, je remercie tous les auditeurs, encore une fois, qui nous laissent des messages à chaque émission et qui nous encouragent, ainsi qu'à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à Célian, par exemple, qui nous a laissé un petit message privé sur Discord hier pour nous dire... Sur Discord. J'ai un retour dans l'oreille, c'est horrible, donc du coup, je ne sais même pas ce que je dis. Il nous dit « Je vous suis depuis un bout de temps, je vous adore, continuez comme ça ». Voilà, merci Célian. Donc c'est la dernière, hein. Pour ceux qui aiment bien, c'est la dernière. J'espère que ça t'a plu, puisque c'est terminé. Merci voilà, à lui et à quelques milliers d'auditeurs qui nous écoutent chaque mois en podcast sur YouTube, mais aussi surtout sur Spotify. Vous pouvez y retrouver toute la troisième saison, suffit de taper Game Trip FM. Il y a eu plus de 2000 écoutes sur les 8 derniers épisodes. Et puis si vous tombez sur la VOD de cette émission, sachez qu'à la fin de la diffusion, comme toujours, ça ira sur YouTube avec les timecodes vers les moments de l'émission juste en dessous en commentaire. Que ce soit en live ou en VOD, faites tourner cette vidéo, un petit like, un abonnement aussi, et puis allez visiter évidemment gametrip.net sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, et donc on est tous là, on lag presque pas, c'est magnifique ce setup, c'est un beau setup, Est-ce que, Yako, toi qui vois le live en direct, que considères, tu considères ce setup comme réussi? Ah, c'est beau, c'est propre, c'est voilà. Un peu rouge chez toi, mais je pense mais que c'est volontaire, mais c'est beau. Pinard, ça. C'est le pinard et c'est les couleurs de Game Tree. Voilà, tout est aux couleurs de Game Tree. Vous pouvez le voir derrière moi. Il y a Pac-Man. Et c'est un bon setup.exe alors. C'est un bon setup.bat. Voilà. Ah. Et oui, il envoie les connaisseurs. donc on va commencer avec la première partie évidemment. Ça ne bouge pas. Ça pour la dernière, ce sera Psartek ou Balek. Ouais. Là, il n'y aura pas besoin de rappeler les règles, mais peut-être quand même un petit peu. C'est tout. Pour Psartek, on traite. pour la dernière. C'est la dernière de la saison et vous allez entendre les jingles dans vos oreilles. Psartek, Psartek ou Balek. Voilà, il a fallu un an d'émission pour réussir à faire fonctionner ce setup, c'est magnifique. Oui. Non. Ouais, j'ai entendu ça. Alors, rappel pour les gens qui viennent de nous découvrir, hein, ce serait dommage, c'est un peu tard. Je vais vous donner l'actu des... Kiffez les gens. L'actu des jeux oldies, rétro gaming de ces dernières deux semaines. Et puis, on va voir si ça nous intéresse Psartek l'info ou si on s'en fout complètement avec l'info. Et on va commencer avec Viewpoint 2064 qui débarque sur Nintendo 64. Viewpoint, c'est un projet qui a été lancé il y a 20 ans, voilà, avec la manette, vous le voyez. Il devait sortir en 2000 sur la console de Nintendo. C'était resté à l'état de projet. Le prototype a été mis aux enchères il y a 5 ans pour 3 000 $. L'enchère a été remportée par un type, et comme souvent, on ne sait pas qui, hein, forcément. Mais là, il s'est passé un truc cool. L'heureux détenteur a bien voulu mettre gracieusement en ligne la ROM du jeu et donc a choisi de ne pas avoir de retour sur investissement pour cette pépite inconnue. Alors, le donateur est toujours inconnu, mais le jeu a donc débarqué sur Internet avec quelques bugs encore et quelques niveaux incomplets. C'est normal, c'est un jeu qui date et qui n'a pas été terminé vraiment à fond. Mais il y a quand même le beau geste. C'est un shoot 'em up vertical type arcade qui était sorti d'ailleurs sur les bornes MVS, il me semble. Ouais, c'est Neo Geo, me semble-t-il, oui. Ouais, voilà. Et donc, qui était sorti aussi sur, en console, sur Mega Drive, sur PlayStation, sur Saturn dans les années 90. Et donc là, ça devait être un portage 64, Viewpoint 2064. Voilà, un heureux vainqueur d'enchères qui met ça en ROM gratuitement sur Internet. Psartek ou Balek. Psartek, c'est cool. Psartek, hein. C'est cool, hein. Non, c'est gratuit. Beau geste, comme dirait Oudagon. C'est gentil, ouais, Psartek. Il y a le beau geste, évidemment. Après, le fan de Viewpoint, il y a déjà joué 50 fois. Hein. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence. Je pense que c'est un portage, tout simplement. Mais en tout cas, c'est sympa. On reste sur la N64 aussi, avec l'arrivée d'une 64 mini et portable. Alors, elle prend la forme d'une GBA-SP. Est-ce que quelqu'un a une GBA-SP dans le coin pour le montrer à nos auditeurs? Allez, en haut, je joue à Zelda. Voilà. Bon, pour ceux qui s'en rappellent pas, ça ressemble j'arrive. Téléphone à clapet très carré avec donc un écran carré au-dessus, un pad de commande en dessous. Voilà, parfaitement. Ah, merci, Juju. Et ben alors, du coup, ils sortent une Nintendo 64 qui ressemble à ça, mais en un peu plus gros parce que en gros, ça prend la taille d'une cartouche 64. Alors, une cartouche 64, j'en ai une qui est là. Voilà, ça prend cette taille-là. Et du coup, ça a plus ou moins cette grosseur-là, mais c'est basé sur une GBA-SP. Alors évidemment, on y met les cartouches directement dedans. C'est pas commercialisé, c'est construit avec une imprimante 3D homemade par un modeur indépendant qui fait ça. Pour l'instant, il compte pas visiblement commercialiser ça. Mais en tout cas, il a tout mis en ligne sur son blog, c'est gmanmods.com. Et ça vous permet aussi d'avoir une 64 SP mini et portable, la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je regarde la vidéo déjà. C'est bien ça. Moi je dis Psartek, hein. Psartek, hein. C'est moi bien. Je dis Balek, hein. Ouais, Balek. Bah non, mais c'est un mode, quoi. C'est-à-dire, c'est bien, mais c'est pas du vrai rétro. Ah voilà, ça y est, on va repartir sur le débat. Non, mais c'est sympa ce qu'il a fait, mais vu que c'est pas un produit officiel. Après, il faut avoir une imprimante 3D. Bah après, des modes comme ça, c'est pas Balek, mais il y en a déjà plein. C'est bien. Mais c'est pas... je sais pas. C'est bien, mais c'est pas fou. C'est bien, mais c'est pas top. Non, mais au-delà de la performance technique, vu que c'est pas commercialisé, finalement, le commun des mortels s'en bat les couilles. Bah, c'est sympa. D'où le Balek. Il a mis le tuto quand même en ligne pour le faire chez soi, mais il faut le faire, quoi. Ouais. Ouais, tu peux le refaire quoi. Mmh. Tu peux le refaire chez toi. Alors ok, tu peux pas l'acheter. Et du coup, est-ce que du coup, c'est peut-être même pas mieux de pas pouvoir l'acheter et de pouvoir de lui dire je l'ai fait moi chez moi à la maison. Est-ce que c'est pas un peu non, c'est la merde. Comme comment elle a fait ça? Elle a changé la PCB. Ah, je veux bien le lien moi. Alors, bah, c'est Akadei. Gmanmods avec un z.com. Gbalek, hein, je pense. Balek, hein. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Mathieu. Oui, m'écoute plus. Voyons ta posture. Alors, par contre, Jack, c'est pas que ta collection est moche, c'est que vraiment, nous, on s'en fout, quoi. Ah, c'est la webcam qui a bougé. Elle dérive au fur et à mesure. Bientôt, on va voir sans se dire qu'il va faire hausser les webcams. Oh mon dieu! Ok. On continue pas avec la 64, mais avec un vieux jeu Street of Rage. On en a déjà parlé la dernière fois, Street of Rage. C'est vraiment un enfant, putain, regarde-moi ça. Alors j'ai un truc bien sur mon OBS, c'est que je peux... Ah, c'est pas le bon. Pour ceux qui ont aimé l'aventure intérieure... Voilà. Tu verras sur le live ce que je fais. Donc Street of Rage 4 est de retour, on avait parlé la dernière fois, maintenant on a un trailer, une date et un prix. Donc Street of Rage 4, c'est Dotemu qui va commercialiser ça. 25€, c'est quoi que tu nous montres Street of Rage forcément, sur Mega Drive. J'ai pas le 4 hein. Bah non. Non, parce qu'il sortira, le 30 avril avec un trailer donc, qui a montré les nouveaux persos. Tous les persos de la série de base sont là. Il y aura 5 nouveaux combattants, 17 persos au total. Petit truc sympa, les joueurs peuvent changer de musique et naviguer entre les bandes originales de Street of Rage 1, 2 et du 4. Et donc, ce sera aussi bourré d'hommages à la licence, voire bourré tout court. Psartek ou Balek? Moi, j'attends pas Prium. Hein. Psartek. Il l'a déjà. Bah, Psartek, hein. Bah, forcément. Attends, question con, il sort sur quoi du coup? Il sort sur PC, tout. PS4 et Switch. Ok. Et pas sur Mega Drive. On pourra le choper sur Steam, quoi, vite fait, je pense. Oui, il sera sur Steam. Ouais. T'as dit 17 persos? Ouais, 17, ça me paraît. C'est tellement too much, quoi. 17 persos, ouais. Donc tous les combattants originaux et 5 nouveaux qui ont été présentés dans le trailer. Ah ouais, ça fait du beaucoup, moment qu'il y a Axel, moi, je m'en fous. Hein. Bah, il y a Axel, il y a tous les anciens. Ouais. Axel, on s'en fout, c'est Blaze. C'est Blaze qu'il faut jouer. Tu veux la petite jupe et tout qui se lève. Exactement, voilà. Là, les vrais, ils sont là. Ah, ça, c'est le genre de mec qui joue à Dead or Alive pour Dead or Alive Extreme. Pour le scénario. Oui. Pour la possibilité de mettre les boobs à 99 ans, et c'est pour ça qu'il rebondissait beaucoup. Putain, hein. Et le hack Xbox avec Dead or Alive XXX, Big Jolly. Voilà, très bien. Sachez qu'il y a un Dead or Alive XXX Beach Volley en Oculus Rift, je crois. Voilà. On m'a dit, c'est des amis. Pourquoi pas? C'est pas moi, tu sais, tu n'as jamais joué, toi. Extreme Beach Volley. Non, c'est vraiment pas. Oui. J'essaie de prendre mon Oculus pour le montrer, pour faire la blague, mais il est trop loin. Ensuite, on va parler de Resident Evil ou Resident Evil pour les Français, notamment Nemesis, on en parle beaucoup en ce moment, forcément, le 3. Succès du 2, succès du 3 et le 4, donc, qui serait en cours de remake, évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Capcom serait bien parti pour remade le 4, selon certains sites, la prod aurait même déjà été lancée. Pour une sortie programmée courant 2022, sans doute sur les nouvelles consoles. Et puis on rappelle, on n'est pas tous d'accord, mais RE4, pour certains, on avait parlé il y a 2 semaines déjà, sur le rôle de ce jeu dans la série. Pour certains, c'est le tournant marquant de la série avec un nouveau genre de survival vu TPS et non plus comme les puristes aimaient avec les caméras fixes. Donc RE4, le meilleur jeu de retour, qu'est-ce que vous en pensez? Balek, je me suis arrêté au 3. Le meilleur, c'est le 1. Psartek pour moi. Balek, moi j'ai peur. T'as trop peur? Ouais. C'est le meilleur, c'est le. Juju, toi c'est lequel ton préféré? Le 4, c'est celui que j'ai fait. Moi j'ai. Le 2, moi j'ai adoré le 2. Ah. Moi aussi. Pour moi c'est le meilleur. Après, le 4 moi, était j'ai très bon. J'ai aimé le code Véronica qu'il y avait sur Dreamcast. Ouais, j'ai fait chier avec ma Dreamcast, mais que voulez-vous, c'est ainsi. J'avais bien aimé celui-là. Il n'y a pas qu'avec ta Dreamcast que tu fais chier, mais oui. Oh! Oh là là! Attache tes cheveux, ta gueule! Ok. Bah oui, bah du coup, il va sortir sûrement en 2022. Et un petit mot aussi sur RE3, du coup. Grâce au confinement, les gens ayant marre de voir les zombies prendre d'assaut les supermarchés dans la vraie vie, ils ont préféré y jouer. Et donc, 2 millions de copies se sont écoulées les 5 premiers jours de vente du remake sur PC, PS4 et One. On rappelle, hein, l'original en 99 sur PSX, GameCube, PC et Dreamcast avait cumulé à 3,5 millions au total. Et puis aussi, un petit point sur le remake de RE2 qui, lui, a dépassé les 6,5 millions depuis un peu plus d'un an. Lui aussi, un carton. Il avait démarré avec 3 millions dans les 3 premiers jours. Voilà, donc ça, c'est une licence qui marche. Je suppose qu'on devrait en voir beaucoup très prochainement. Et d'ailleurs, il y aura un RE8 qui va sortir. Je crois que sur la dernière semaine, ou les 10 derniers jours, Resident Evil 3, bah, le remake, là, il a été genre 3e jeu le plus derrière Valorant et FF7 Remake. Ouais. Okay. Pas le plus regardé surtout, parce que le plus streamé, au final, si personne ne regarde, on s'en fout, mais. Oui, bah. Mais le plus regardé. Ouais, ça a été un vrai carton chez tout le monde, de toute façon. Puis on l'a vu chez tous les gros streamers, tous les gros youtubeurs en ont parlé. Il fallait un petit peu ça aussi. Il y avait le confinement, il fallait un petit peu faire de la pub parce que. Il fallait en parler, quoi. On en avait parlé aussi il y a 2 semaines, un autre jeu aussi qui revient, un peu dans la veine des Resident Evil, c'est les jeux Star Wars. Vous savez, il y avait déjà plusieurs ce jeu de la saga Jedi Knight qui sont sortis en remake. Là, du coup, c'est Star Wars Racer, le jeu de course sorti en 2000 avec l'épisode 1 sur 64 Dreamcast PC qui a désormais une date. Il sortira sur Switch en mai, le 12 mai, sur Switch et PS4. Voilà le remake de Star Wars Racer. Ouais, c'est celui-là où il y avait Jar Jar Binks, hein, on est d'accord. Ouais. Ouais. Il était dedans, le jeu. Oui, c'est pas lui qui réparait ou qui vendait les bagnoles ou je... Non. Il y avait un truc comme ça. Il était dedans, ça je suis à peu près sûr, sinon je m'en souviendrai pas comme ça, mais là, tu pouvais pas le. Enfin, ouais, c'était juste un PNJ en gros dedans, quoi. Ouais. C'est un portage ou ils vont vraiment l'adapter? Alors, c'est un vrai remake ou c'est un portage? Non, c'est un remake. Ah, pourquoi pas? Moi, je vais parler, je crois. Ils le font quand même en général, ils l'adaptent un peu pour. À la limite, ils upscale, tu vois, mais il y a pas. Ils font pas forcément une nouvelle texture, tu vois. Donc, ce serait pas, okay, pas mais... un remake du jeu. Ouais, alors moi, je me semble avoir fait à l'époque, c'était sur GameCube, je crois. Enfin, l'avoir fait, non. Y avoir joué, oui. Par contre, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, et il y avait une version arcade de ce truc-là qui était vraiment ouf avec les leviers et tout, avec les pods. Ouais, c'était cool. Alors après, c'est sûr, c'est toujours sympa de pouvoir jouer à ça dans son salon, mais c'est pas la même chose que avec la machine, quoi. Avec la machine, c'était vraiment classe, quoi. Ouais, la machine, c'est magique. Il reste encore chez l'Axe du Mal, là, chez Mickey. Non, je crois même pas ils les ont virés. Donc ça devient compliqué à trouver. Ah ouais. Ouais, elles sont toutes parties. Et pour le côté technique, c'est un système de PCB sur bille, de processeur sur bille, comme sur les PS3, donc c'est une merde noire à réparer. Donc si vous en voyez, jouez avec, parce que ça va pas durer. Ok. Merci pour un soin technique. Merci, exactement. Professeur, c'est des trucs, à votre service. Tout ce qui est intervention technique, c'est Juju, sauf pour tout ce qui est bande d'arcade, là, il faut voir avec Jack. Voilà. Bah, Juju, il connaît aussi, mais c'est les problèmes de masse, son truc. ça arrivera le 12 mai donc sur Switch et PS4. Bah sur Switch ça peut être cool du coup si on utilise Ah ouais, avec les deux poignées, ouais, ça peut être pas cool, mal du tout. Ouais. Carrément. Et puis on va terminer cette partie oldies avec Juju l'attend. On en parle, on en a parlé si peu, 17 fois. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup cette fois. Final Fantasy 7, il est sorti, il est là. On l'aime. Du coup, on est content d'être à la maison, hein, Juju. C'est-à-dire un miracle, ouais, carrément. Avec nous. Moi, je travaille, hein, cela dit. Oui. Bah, moi, j'ai repris il y a 3 jours, mais voilà quoi. Bien sûr. Les gens ont été livrés, donc Juju a été livré avec un petit peu de. De lag. Non, voilà. Le 10. Ah bah, le 10, tout pile le 10. Ah oui, le 10, oui. Du coup. Alors, Juju, les premiers retours. Fais-nous plaisir. Moi, ce que j'ai. J'y ai pas joué, j'y jouerai pas avant un an, donc vas-y, fais-moi mal. La seule chose dont je suis déçu, c'est les textures des décors qui sont dégueulasses. C'est vrai? J'ai jamais vu ça dans un jeu. Ouais, pareil que c'est alternatif. T'as des trucs c'est très beau, des fois des trucs c'est très crado. Ouais. C'est hyper inégal selon les chapitres qui sont superbes. C'est ce que j'ai entendu, ouais. Et il y a des chapitres où il y a des textures, mais... Les textures, précisément, c'est des pneus, je crois que c'est à moitié dans le sol, genre des pneus rouges et bleus. Des pneus jetés, des falaises... Comme ça, c'est... Je trouve ça hallucinant de faire ça dans un jeu au bout de 5 ans de développement. Tu prends un The Witcher 3, il est magnifique. Je pense qu'il n'y a pas de pneus. Final Fantasy. Non, mais c'est surtout que derrière, mais, en fait, en après, fond, ils mettent la ville, elle est ou le réacteur qui est magnifique. Donc, après, le scénario est là, les musiques te donnent des frissons. De voir les persos grandeur nature en 3D super bien modélisé, c'est un rêve de gosse, quoi. Tifa. ils l'ont pas loupé, ça va. La première waifu de l'internet français. Waifu. Tu peux pas comprendre, t'es un boomer. C'est vrai. Non mais du coup ouais, quand même bonne. Très bonne note sur tous les. Ouais, les plutôt. Plutôt coup, agréablement surpris. Agréablement, t'y attendais depuis des plombes. Ah, mais plus t'attends quelque chose, plus t'as plus d'être déçu. Donc voilà quoi. Chier sur le système de combat et au final ça apporte des mécaniques assez punchy, on va dire. C'est vraiment. Le combat, tu le subis quoi. On peut faire les deux, non, du coup. T'es pas à attendre que ta jauge, elle a appuyé sur croix tout le temps. C'est vraiment tactique, en fait. C'est vraiment sympa. Comment tu pourrais être déçu d'un jeu qui est sorti en 97? Je ne sais pas. Trop d'attentes, trop d'envie, trop de... Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus t'attends quelque chose, plus t'es susceptible d'être déçu quand il arrive, quoi. Parce que tu te fais dans ta tête un milliard de choses, un milliard, tu dis, waouh, ce serait trop bien s'ils font comme ci, s'ils font comme ça. Et si tu l'as pas, quand on te donne le produit fini, forcément t'es déçu parce que t'avais beaucoup d'attentes. Moi, c'est pour ça que j'y ai pas touché encore. Je pense ne pas y toucher avant longtemps parce que j'ai pas de PS4, j'ai pas l'intention d'avoir une PS4. Et je pense bien le prendre sur PC à l'époque. Voilà, j'attends la version PC, donc la version PC c'est pour dans un an au moins, hein. Peut-être avec la chance, nous on aura tous les épisodes d'un coup, je suis assez optimiste sur ce point-là. On rappelle mais que c'est un jeu épisode. Hein. Oui, voilà, ça sera comme... Tous d'un coup, non, puisque là on sera qu'au deuxième au mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y en a quoi, il y en a trois ou quatre? Trois. Ouais, mais... Moi j'ai pas vu de confirmation, moi. A priori, enfin il y en a plus que deux. Oui, ouais, il y en aura trois, au moins trois. Et a priori, ça mettra un an entre chaque épisode. Je sais pas. Aussi, hein. Ouais, il n'y aura pas un découpage, un peu comme les CD de l'époque. Bah CD, mais il y en a trois, du coup. Mais... Oui, parce que c'est ça. Quatre. C'est au moins trois, et après peut-être... Parce que le truc, c'est que là, ils sont quand même partis dans des parties du Midgard qu'on n'avait absolument jamais vues, donc peut-être que sur les autres morceaux, ils vont aussi partir dans des autres peut-être. Arcs de l'histoire qu'on connaît pas du tout, genre sur Vincent ou des choses comme ça. Vraiment sur un jeu à couloir, hein, donc vous attendez pas à visiter la ville comme bon vous semble, quoi. Un open world. Le jeu très bien en vous disant vous vous arrêtez là, vous pouvez pas aller par là, Donc ça c'est un peu frustrant, mais c'était comme ça aussi dans le premier, donc. Ouais, mais t'as quand même plein de nouvelles choses que tu peux faire que le jeu n'évoquait même pas. Ouais. D'accord. Donc rien que ça. Carrément, on est dans l'histoire, tout ce qu'on avait pensé, ce qui se passait et qu'on le voyait pas, bah là, ils l'ont traduit à l'écran, en fait. Bon, bah, j'attends. On verra bien d'ici un an. Le couturier de Tifa, par exemple, interrogé. il donne la taille du bonnet. Voilà, le mec qui vend les fleurs à Eris également, le fournisseur de fleurs, parce qu'il faut les livrer. Hein. Pas que ça qu'ils fournissent. Jeu qui est sorti sur PS4, hein, évidemment en exclu. On vous invite à réécouter notre ancienne émission sur les exclus sur Game Trip. Bah nous, on est exclus du jeu, on peut pas y jouer. On attend qu'il sorte sur PC. Exactement. Les exclus, putain, la blague de merde. Boomer, mec, boomer. On attendra qu'il sorte sur une vraie machine. On va passer au tout venant maintenant avec le reste de l'actu. Non, on le dise. On garde ou on jette. Le tout venant de l'actu. Alors, pour Jack, à l'inverse du Psartek ou Balek, Le principe de cette partie, comme on est dans une émission de rétro gaming, on va pas parler de toutes les infos non rétro du mois, évidemment. On n'aurait pas le temps, donc je vais vous donner vaguement l'intitulé. Vous allez me dire si on en parle ou pas. Si personne ne veut en parler dans ce cas, eh ben on jette à la benne et on n'en parle pas. Excusez-moi pour les petits bips. On va commencer avec Sony. Sony qui révèle... qui révèle du son trop fort, bien trop fort. Sony qui révèle le nouveau contrôleur DualSense pour la PS5, donc le nouveau, la nouvelle manette pour sa PS5. Est-ce qu'on en parle ? Moi je suis chaud, hein. Moi je suis chaud. Ouais, il y a du... Bah, allez-y les gars, hein. Je vous attends. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ciao. C'est une vraie manette blanche et noire. Avec un petit liseré bleu du plus bel effet. C'est pas ouf non plus. Mais les médias en fait ont contraint la publication de ce pad puisque en fait Sony avait attendu la fin du confinement, voulait attendre la fin du confinement pour le préparer. Il y a certains sites qui ont sorti les photos et du coup ils étaient obligés de le montrer vraiment. Alors on peut y voir une technologie haptique embarquée, des gâchettes adaptatives. On en a déjà parlé, c'est les gâchettes où je crois que c'est en fonction de comment tu appuies, ça peut bouger dans les jeux. Enfin, y a plusieurs, elle a plusieurs trucs tactiles dessus qui vont interagir avec pas mal de jeux. Il n'y a plus de couleur au bouton. On ne voit plus les donc ils ont retiré ça, c'est des petits logos fins en noir sur fond blanc. Et puis sous le logo PlayStation cliquable, il y a un bouton mute pour couper le micro de la manette, donc il y a un micro sur la manette. Et puis il y a un bouton créer, qui remplace le bouton share. Pour crier. Vraiment, pour crier, vu qu'il y a le micro. Non mais voilà, donc en vrai, manette totalement habituelle. Enfin, je sais pas si vous avez vu les images, mais ouais. Oui. C'est là où on va débattre avec Jules. Moi, je la trouve vraiment belle, la manette. Je la trouve épurée, classe, propre. Et puis, au-delà de l'esthétique, elle promet pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, bien plus que ce que promettait entre guillemets la PS4. La manette de la PS4, elle est... j'en ai pas, mais j'ai quand même eu la machine en main et je trouve qu'elle a pas été, corrigez-moi si je me trompe, super bien exploitée là, le truc tactile et tout là. Mais la manette de PS5 m'a l'air clairement classe quoi. Juju, vas-y, contredis. Mais que fait Jack? Je n'entends pas de cette oreille. Non, non mais technologiquement, elle a l'air, honnêtement, la technologie, il n'y a rien à dire dessus quoi. Mais c'est je sais pas, c'est à la manette Xbox en fait. La manette Xbox. Bah je sais pas, elle a l'air plus gros. Il y a plus les deux petites. J'ai peur de la prise en main surtout. Après l'esthétique blanc, ça va être sale au bout de 2 secondes. Comme le nom. On se lavait les mains, c'est ouais, tout. Ouais, hein. Je Je suis pas fan. Voilà, c'est les goûts et les couleurs là. J'ai pas d'argument, j'aime pas quoi. Et les autres, est-ce que vous avez un avis ou un nez? Je m'en bats complètement les couilles. Okay, du plus profond de mon être et je le prouve. Non. Ne déconnectez pas. Jay, je sais pas. Elle est perturbée là. Non, c'est surtout que c'est tellement futile comme truc. C'est pas ça qui me fera acheter une console ou pas. Donc, PC Master Race. Ouais, Master non, pas les couilles. C'est vraiment balèque. Voilà. Okay. Alors, on va continuer avec. C'est pas du Simulartung, mais ça va vous plaire, je vous connais. Avec, à défaut de pouvoir faire du vélo, hein. On pourra en faire dans son salon très prochainement, puisque le traditionnel nouveau Pro Cycling Manager 2020... Balek, non, on ne traite pas, s'il vous plaît. A été annoncé. Mais comment les gens peuvent acheter ces merdes, quoi? Mais il y a des gens qui jouent et qui même mettent un vélo devant l'écran. mais tant mieux, mais foutez-vous en l'air, quoi. La sélection naturelle n'a pas assez fait son taf, quoi. Venez, on a perdu assez de temps déjà avec ça, là. Merci, bonne journée. Ça sortira le 4 juin. Et c'est édité par des Français de Cyril. Ta gueule. Et Jimmy l'a précommandé. la suite, finalement, pas de 3 version numérique non plus cette année. On a parlé il y a deux semaines. Pas de 3 tout court, ça on le savait. Et du coup, pas de 3 numérique non plus. Est-ce qu'on en parle ? Bon, on attend le 4. OSEF, hein, voilà. S'il n'y en a pas, on va parler de quoi ? Oh, la vanne, voilà, terminé. La première édition. Non, tout le monde. Non, mais c'est bon, on s'en fout. Okay. C'est bon public, Jimmy. Non, on n'en parle pas. Oui. Et ben voilà, de toute façon, il n'y en aura pas. Comme dirait Georges Brassens. Donc du coup, la prochaine, ce sera pour 2021. Blizzard, de son côté, ne garantit pas non plus une BlizzCon. La BlizzCon, 2020. Ouais. Triste, hein. Ça, c'est triste, ça, c'est dommage. Je sens que, il y a un qui pleure de larmes de sang, là. Je sens que sur le côté droit de l'image, là, j'ai deux personnes qui voudraient en parler. ils sont de droite. On va en parler. Enfin, moi, je sais pas, je suis tout à gauche, alors je sais pas. Chez moi, je suis tout à gauche. Sur le setup, le stream, t'es tout en bas à droite. Moi, je te vois à l'extrême gauche. Tu es pourtant. On dirait Mélenchon. Si, par rapport à moi, tu es là. Et pourtant. Jack, il est là, et Juju, il est là, et JV, il est là. Il est au milieu, il est au centre. Le truc, en fait, c'est qu'ils ont absolument... Enfin, ils en ont... de ce qui va être faisable ou pas faisable. Mais c'est juste pour pas que les gens s'excitent de trop. Ou... Enfin, ils ont eu tellement de demandes pour... parce que les gens veulent préparer leur trip à Los Angeles ou quoi. Et du coup, ils ont juste communiqué par rapport à ça. Ils ont eu plein de demandes, mais... En fait, c'est comme la Gamescom. Voilà, comme la Gamescom, il disait on va attendre en gros fin mai pour savoir ce qu'on va faire. Ouais, mais là, la Gamescom a communiqué officiellement, par contre. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas vu. Ils ont communiqué officiellement et il y aura. Que le truc. Il y aura, une version online, ouais. C'est okay. Tout. Ah, oh, je suis un peu deg. Hein. Bah, Blizzard, ça reste quand même 3, enfin, début novembre, donc il y a quand même de la manœuvre. Revenir, ouais. La QuakeCon pour août a été annulée aussi, pour le coup. Moi, je suis un peu deg. Hein, si la BlizzCon n'a pas lieu, personnellement, voilà, il y a pas mal de choses que... Enfin, c'est un des rares trucs que je suis, la BlizzCon, avec le 3 et puis la Gamescom. Mais là, voilà, quoi. Là, ça va être... Perso, ça va me faire chier. Alors, est-ce qu'ils vont faire un petit cadeau qu'ils font d'habitude, quand même, Mais ils le feront, eux, de toute façon, en virtuel. Ouais, voilà. Est-ce qu'ils vont faire quand même la BlizzCon virtuelle avec les tickets virtuels, comme sauf que cette fois-ci, ça sera pour tout le monde. Peut-être, je sais pas. Je pense pas qu'ils vont mettre ça de côté. Il y a trop d'enjeux entre guillemets pour qu'ils mettent ça de côté. Mais bon. Okay. Oui, non, on aura quand même quelque chose, mais ils présenteront dans les bureaux. Ça quoi. Ouais. Bon, advienne que pourra. On verra. Donc, ils vont sans doute se prononcer à la fin de l'été ou après le confinement. Donc peut-être l'année prochaine. On verra. Le 12 mai. dès que le virus a été anéanti, le 11, le 12, ouais, c'est bon. Il a peut-être été anéanti par Blizzard. Exactement. Peut-être qu'ils sont derrière tout ça, déjà, à la base. Pour éradiquer les conférences des concurrents, et hop. C'est tout ça, c'est juste fait pour qu'il n'y ait pas... C'est stratégique. Putain, c'est incroyable. Bah. Nous sachons. Lego Super Mario... Le prix, la date ont été dévoilés, est-ce qu'on en parle ? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Alors c'est pas vraiment du jeu. Allez, un petit peu comme allez, ça, c'est Lego. Jack, il veut en parler. C'est les 35 ans, on en avait parlé, c'est les 35 ans de Super Mario cette année. Bah du coup, parmi les surprises annoncées par Nintendo, il y a le Super Mario qui va sortir en Lego, en gros des jouets connectés dans des packs entre 30 et 100 balles, comme tous les Lego, quoi. Le tout sera vendu avec une petite application gratuite qui permet de jouer en réalité augmentée avec ses Lego et puis gagner des points, voilà, une espèce de petit truc comme ça. Et donc les préco ont déjà commencé, ça sortira le 1er août. Voilà. Bah, pour les trucs en carton, ceux qui ont les gamins, c'est cool, quoi. Pour les gamins, voilà. Moi, il y a pas mal de vidéos qui tournent sur internet, dont la pub officielle où on voit vraiment le petit Mario qui fait les sons, il a un écran sur le bide. Là, je sais pas si vous l'avez vu le jouet ou pas. C'est gros quand même, non ? On dirait du Duplo. Ça a l'air gros, mais oui, ça a l'air un peu. Ça a l'air pas mal, quoi. Ça a l'air rigolo. Ouais. C'est plus du jeu que du Lego. Hein. Oui, non. Là, ouais, tu montes rien, quoi. Si, tu montes quand même le parcours. C'est un truc genre des parcours à faire, des trucs comme ça. Faut regarder. En tout cas, ce sera pour le 1er août avec 3 packs. C'est ça le nouveau Lego ? Non, c'est pas un Lego, c'est marrant. Et ça se préco où alors du coup ? Battle Chest ? Et ben ça se préco sur Fnac, partout. Ah, j'ai vu ça que chez Zavi, c'est pour ça. Non, il y en a partout. C'est vraiment du Lego de base, quoi. On continue vite fait avec le Resident Evil 8, comme je disais tout à l'heure. Des nouvelles rumeurs sur le fait que ça pourrait sortir. Est-ce qu'on en parle? Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, si. Non. Ouais. Non, j'allais dire, il n'y a pas grand chose à dire. On n'en parle pas, premier réglé. Non, on n'en parle pas. Ok. Il s'appellera RE Village. Et on termine avec CD Projekt Red qui fait le point sur Cyberpunk 2077. Ah, ah bah oui, ah bah oui. On peut en parler ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comme FF7 mais en différent. Ouais, un peu. Ouais. C'est, ça presse, comme The Witcher, c'est presque si longtemps que c'est prévu du coup. L'éditeur avait annoncé il y a quelques semaines, on en avait parlé la dernière fois, qu'il voulait se concentrer sur la suite de The Witcher. Mais avant tout, ils veulent se concentrer à fond sur la fin du développement de Cyberpunk. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc du coup, les Polonais ont annoncé que la date de septembre était toujours dans le viseur, malgré les problèmes. Et du coup, pour l'instant, ils disent qu'en gros, ils sont en phase de debug. Donc finalement, tout est prêt, fini. Ça devrait sortir en septembre sur version old-gen, on va dire. Puisque les versions PS5 et Xbox Series X seront pas faites dans les temps, donc à la fin de l'année. Et le truc marrant, c'est que certaines voix n'ont pas été encore enregistrées avant l'épidémie. Donc du coup, l'éditeur sortira sûrement des DLC gratuits après la sortie pour avoir les voix manquantes. Voilà. C'est bien des patchs, quoi. Ouais, des... Ah, c'est vraiment des DLC. Pourquoi pas ? Tiens, en ce moment, on est tous des cyberpunk. Hein. Tout le monde est chez soi, il n'y a plus de blague. 2077 sera peut-être la fin du confinement aussi. Exactement. Non, mais c'est... 2077. C'est bien de quand même annoncer, enfin rassurer les gens en disant ça sortira à la fin de l'année. Mais... Bah, en fait, le truc, c'est que de toute façon, c'est des projets, quoi qu'ils fassent, j'ai l'impression. Ils ont la carte avec un peu tout le monde parce qu'ils ont toujours fait des trucs. Ouais. Ou free to play, ou vraiment des succès et tout, et qu'en fait, quoi qu'ils disent, même si demain ils disaient le jeu est reporté de 2 ans, les gens seraient là, ah, mais oui, prenez votre temps, il y a pas de alors que t'as le moindre éditeur un peu plus controversé qui retarde un truc, c'est Nintendo, demain ça va être le drame absolu. Quoi. En fait, mais c'est des projects, ils ont un truc. Ouais, c'est des projects, ils ont Capital Sympathy inverse de EA, quoi. Oui. On pardonne tout. Oui, c'est exactement ça. Après, ça reste aussi justement, je pense que les gens savent que c'est une petite boîte, tout est relatif, mais si ça reste un petit studio, c'est pas beaucoup de jeux, mais oui, presque, ouais. Mm-hmm. Faut pas tant que ça. Mais oui, je pense qu'il y a plus, ouais, justement, de sympathie par. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Je crois que ce sera la première et la dernière fois. Il y a plus de sympathie. Pour les petits studios. Perdu. Il y a plus de sympathie. Pour les petits studios. Jack, est-ce que tu peux me faire le générique des gros beats? Les gros beats. C'est le même. Et les petits beats. On va voir si c'est Dallas ou Samouraï qui l'emporte. Bah, c'est parfait, c'est presque aussi bien que le vrai. Bravo. Regarde. Ah bah mets le vrai alors. Et bruitage à la bouche. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros beats. Les gros beats. Excellente réponse. Une émission spéciale Pierre Bénichou aujourd'hui, évidemment. Oh putain, il est mort. Rip, petit ange parti trop tôt, si tu nous regardes. Le boxeur Bénichou, mais... C'est un boxeur aussi, non? Oui, ah, oui. C'est un vendeur de loukoum aussi, dans le marais. On peut en faire beaucoup comme ça, en fait. Pour cette dernière, on va évidemment devoir trancher, car c'est la dernière, on le rappelle. L'équipe perdante doit payer son tacos. C'est la tradition depuis la première saison. Bon, à la base, c'était un kebab, maintenant on est passé sur le tacos. Et donc, on va faire un gros beat. Sans gluten. Que d'habitude, sans gluten, évidemment. Vous allez vous affronter. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas tricher, de ne pas regarder sur Internet, évidemment. Le tout, c'est de faire ça dans la bonne ambiance, en testant nos connaissances. Pas de thématique spéciale pour cette dernière, on va vraiment être dans la culture générale du rétro gaming. On rappelle les équipes, comme on n'est pas Burger Quiz, c'est pas équipe Ketchup et Mayo, mais Samouraï et Dallas. Tiens Jay, à ce propos, on en parle de ce qu'on a vu ? La sauce Dallas. Rapport à la sauce Samouraï et Dallas de Burger Quiz, tu m'as montré un streamer ou un stream qui lance... Ah non, c'est le stream. Ouais, le stream qui lance un Burger Quiz avec exactement notre concept, dis donc, avec Samouraï et Dallas. Ah, c'est Samouraï et Dallas, sérieux ? Je crois, ouais, c'est un truc comme ça. Alors que ah, là, personne ne connaît. Ah, ça, c'est la fille de puterie. Non, mais c'est, je t'avais linké effectivement le tweet de l'annonce, mais je sais plus les noms. De... Mais je crois que c'était ça, ou vraiment très ressemblant. On est largement plus beau. On est largement plus beau et plus compétent surtout. Alors, il y a 28 pour Juju et Yako. Alors, c'est Dallas ou Samouraï, je ne sais plus. Dallas. D'accord. Et Samouraï, 18. Donc, Jay et Jack. Attention. Je vais prendre un peu sur la dernière émission. Ouais. Ah, tu t'es chié dessus. Mais de toute façon, t'inquiète pas. De toute façon, Jack, on a juste à répondre bien à la dernière. La dernière qui vaudra tout ce qui vous manque, plus 1. Donc, on peut AFK pendant un quart d'heure et on revient pour la dernière. T'as Internet ? Comme ça, on vérifie au passage. Alors, non, j'ai pas Internet, non. Jack et Jay. Prends celui-là. T'es offline ? Alors, 18 à 28. Cette fois, on va faire un peu comme dans Burger Cube, justement. On va commencer par les questions à choix multiples. Ensuite, je vous propose des 3 menus. Et puis, à la fin, on fera comme les grosses têtes. Hein. On fera des questions, des citations. Il va falloir trouver qui c'est. C'est parti, un point. Madame Belpère de Loche, celle-là, je la trouve beaucoup trop bien. J'espère que ça préparait des lancements comme ça, mais. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Ouais. Attends, c'était monsieur, j'ai envie de baiser. Ah, ça c'était bon ça. Et j'en ai pas d'autres là, mais j'en trouve. un point par bonne réponse. On commence par qui ? On commence par les zéros. Allez, on va commencer. Tu me le perturbes pas là, le Jimmy. Hein. S'il commence à rigoler sur l'envie de baiser, je suis foutu quoi. Commence par lui là. Par lui là. Commence par lui. C'est Jack. Qui c'est qui est au-dessus de moi ? Au-dessus de toi, c'est moi. C'est ah, attends, je te tire. Ah ! Alors, voilà, donc on sera amusé comme des gamins de 12 ans. On va commencer donc avec Jack et Jay qui ont 18 points. Et on commence avec cette question. De quoi s'est inspiré le créateur de Space Invaders pour faire le jeu susnommé ? Attends, il y a 4 réponses possibles. D'un rêve où des soldats à Pearl Harbor se font attaquer par des avions américains. D'un rêve où des écoliers japonais se font attaquer par des extraterrestres en attendant le Père Noël. D'un rêve où des écoliers japonais se font attaquer par des Pères Noël en attendant des extraterrestres. D'un rêve où les anges de la télé-réalité se font attaquer par des dictionnaires en attendant l'arrivée d'une story sur TikTok. Ah bah j'avais pas, tu vois. Je dirais le premier à tout hasard. Bah, c'est forcément la première. C'est forcément la deuxième. Forcément. Vous dites la première, du coup. Attends, t'excites pas, Yako, il met le doute, là. C'est quoi la deuxième ? Yako ne joue pas. Non, c'est la troisième. Où des écoliers japonais se font attaquer par des extraterrestres en attendant le Père Noël. On va rester sur le premier, je crois. Ouais, le premier, c'est juste le plus logique, après... Eh bien, c'était le Père Noël, ils font pas au Japon. Celui que je viens de dire, d'un rêve où des écoliers japonais se font attaquer par des extraterrestres en attendant le Père Noël. Eh oui. Sérieux. Ah, t'inquiète, la dernière, Jack, la dernière. La réponse, n'écoutez pas, bande de noobs. Alors, du coup, pour les deux autres, on va voir s'ils sont plus intelligents. Ah, non, pas les deux autres. Plus intelligents, c'est sûr que non, pas plus chanceux. Plus chanceux. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Alors, l'équipe Dallas. Plus talentueuse. L'équipe Dallas. Pourquoi la Famicom était rouge dans sa première version ? Parce que au Japon, le rouge est synonyme de clarté, et donc pour que la console porte des valeurs fortes, pour qu'elle soit plus repérable dans les magasins d'électronique qui vendaient la console à l'époque où tous les produits étaient blancs ou gris, car le plastique rouge était le moins cher des matériaux à l'époque de sa construction, ou alors parce que le constructeur de la console s'appelle Jean-Michel Rouge. C'est parce que le plastique rouge c'était le moins cher. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr ? Ouais, je valide. Ah, est-ce que t'es sûr, Juju ? Est-ce que moi je suis sûr ? Ah ! C'est une bonne réponse. j'ai une requête. Moi. On voit pas ce que Yaku il fait avec ses mains pendant que tu poses les questions. Peut-être bien qu'il écrit. Hein. J'ai entendu taper. Ah, c'est moi qui écris. Non, c'est moi. Non, mais Jack, rentre un peu dans la combine, bordel. Mais je vérifiais pour l'histoire du Père Noël, j'étais pas sûr. Ah, là. Ah oui, j'y crois pas. C'est incroyable. Non, j'y crois pas. Remets ta carte. T'es pas assez vicieux, Jack. Alors, le dernier, Jack et Jay. D'où vient le prénom du pirate ? Elle est facile, ça. Guybrush. Du pirate Guybrush Threepwood dans Monkey Island. Réponse A, du nom du chien du développeur principal du jeu, un Yorkshire du nom de Guybrush. De l'endroit dans le Maryland où LucasArts a été fondé, Guybrush, du nom du sprite de base créé par le character designer qui s'appelait Guy.brush, ou parce que si tu prends le nom Guybrush et que tu changes 9 lettres, ça donne Ron Gilbert is the best of all motherfucker. Le 3, c'est le 3. Le 3 oh, mais non, c'est... non, le 3 ouais. est annulé. Ah, le 3 c'est annulé. Bah, on attendra le 4 alors. Par contre, là, tu gueules, c'est trop là. Tu pètes les feuilles là. À peu pest. Non, vraiment, Jack, arrête. Du coup, vous dites le 3. Non, on peut pas le couper, lui, on peut pas Oui, oui, oui, oui. Je peux parfaitement couper juste son son. Et dès que le mec, là, tu fais des pieds et des mains pour réussir à le faire venir sur un putain de Discord. Et une fois qu'il y est, par contre, il te casse les couilles. Mais... Bordel. Incroyable. C'est pour ça que c'est la dernière. 19 bah points pour l'équipe Samouraï, du coup. Et ah, c'est que un point par un point, là, la blague. Ah, là, c'est que un point. Calme-toi. Les 8 points vont arriver. L'équipe, du coup, Dallas. Lequel de ces personnages peut-on trouver dans Zelda Link's Awakening en 93? Réponse A. Pour toi, Yako. Mr. Wright de SimCity. Réponse B. La princesse Peach. Réponse C. Kirby. Ou réponse D. A, B et C. Et donc D. Alors, il me semble qu'on voit Kirby, mais non, c'est... Non, parce que... Attends, parce que... C'est dans des tableaux, je crois. Je crois que c'est dans des tableaux, dans les maisons. Attends. Kirby. Il y a 4 secondes. Kirby, je suis quasiment sûr. J'aurais dit Kirby ou les 3. Bah, je sais, Kirby ou les 3. C'est quoi le premier? T'as dit le mec de Sim, quoi? C'était quoi le premier? Mr. Wright de Sim. C'est Dr. Wright. Eh oui, tu ne le sais pas. Mais... J'aurais dit Kirby. C'est les 3. Allez, c'est les 3, Joseph. On a un milliard de points d'avance. On s'est laissé. A, B, C et D? Les 3. Ouais. La D, ouais. 30 points pour l'équipe. Ah, bien là, joué. Ça va bravo. Compliqué. Parce que Peach j'étais sûr et machin, Kirby j'étais sûr, pas du tout. Alors je me suis dit, bah, s'il y a les deux, il y a les 3 quoi. Ça va être moi je connaissais que Mr. Wright, tu vois, c'est marrant. C'est compliqué de revenir au score, mais rien n'est encore joué. Après cette page de pub, la suite avec les menus. Le jeu vidéo c'est dans les tripes et sur Game Trip FM. 0% coton, 100% oldies. Suivez-nous également sur gametrip.net, www.gametrip.net. GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Ça c'est juste parce que je l'avais pas mis tout à l'heure, ça m'énervait. Merci alors, à notre sponsor. Merci à notre sponsor GameTrip qui est là, on l'embrasse. Rip aussi, petit ange. C'est incroyable. les menus, attention. 3 points par bonne réponse. Oh. Attention. 3 points par bonne réponse. Je vous donne 3 menus. Évidemment, les plus mauvais peuvent commencer par choisir. Alors, le menu A, c'est menu station de jeu. Menu B, c'est ni pont ni mauvais. Et menu C, c'est cours et capitalisation boursière des entreprises de jeux au CAC 40. Un menu un poil compliqué en partenariat avec Investir les Échos. Vous pensez des questions sur ce troisième menu? Je l'ai acheté. Par exemple, le cours d'Ubisoft a eu un crash en 2003 à la sortie de BGE. Combien a-t-il perdu en 3 mois? Ok, donc ça ne nous intéresse pas. On le met. Ni bon ni mauvais. Station. Le A c'est PlayStation, je pense. Moi j'y connais dessus. Le A c'est PlayStation. Vas-y, oui. De toute façon, t'es bien plus calé que moi. Ok. Par assurance, ça. 3 miams. Enfin, 3 trips. 3 miams. 3 trips. 3 miams. Je réponds. Alors, Shigeru Miyamoto était à l'origine designer industriel en charge de porte-manteau. Vrai ou faux? Est-ce que vous connaissez Shigeru Miyamoto déjà? Attends, nous on joue pas, on est d'accord. Hein. attends, je réfléchis. Mais de toute façon, c'est 50%, vas-y. Bah, je te laisse faire, tiens, vas-y, parce que moi je sais ni l'un ni l'autre. À toi de prendre le risque. Ah, ok. C'était. Allez. T'as dit quoi? C'était fou. Enfin, c'est fou. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Eh ben voilà. C'est vrai. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Bien sûr que c'est vrai, c'est un designer industriel. Ben, c'est génial. Oui, mais alors moi, c'est pas sur ça que j'avais une réclamation, c'était sûr, dans une usine. Où j'étais pas trop sûr, mais... J'ai pas... Pareil. Au Japon. N'a pas compris. Pas grave. Toujours au Japon. Pays du jeu vidéo, évidemment. GTA 3 a été censuré pour ultra-violence, mais seulement dans la préfecture de Kanagawa. Vrai ou faux? J'en sais, moi, putain. Ouais, c'est question quoi. Si ce qui est marrant, c'est que l'expert c'est Jack, mais il répond même plus, il s'en fout. Bah si, mais je veux bien répondre, mais le Kanagawa, je sais même pas où c'est une préfecture. Réponds vrai ou faux? Au Québec. Ouais, vas-y, bah vrai, vas-y. vrai. C'était vrai, bien joué. GTA 5 et Space Dead aussi ont été censurés, mais ils ont été censurés partout. Parce que je sais pourquoi, juste dans la préfecture, je sais pas. C'est bien. Ça fait. Hey. Dead Space. Ouais. Ouais, Dead Space. GTA 3, pas GTA 4, GTA 5 et Dead Space. T'as dit Space Dead, je connaissais pas en fait. Ah, j'ai dit Dead Space, tu n'entends rien avec ton micro tout pourri. N'importe quoi. Alex Kidd est né parce que son développeur n'avait pas les droits de la licence d'un manga japonais qu'il souhaitait adapter. Lequel est-ce ? Oh les bâtards. Attends. Vous avez 22 points. Ça. Balek. Balek. C'est pas le truc avec l'enfant sage là ? C'est pas Dragon Ball mais. Bah je sais pas. Donne allez, Alex Kidd avec son gros gant de boxe et One Punch Man. Non, c'est pas ça. À l'époque, ouais. Mais oui, mais ça serait logique maintenant, tu vois. Ça pourrait être Dragon Ball. C'est Dragon Ball, bien joué. C'est exactement la légende de l'enfant singe. Ils avaient les droits, voilà. En fait. Ils ont commencé à développer, et puis l'éditeur leur a fait « Ah, en fait, vous avez pas les droits !» Et ils ont fait « Ah, merde !» Mais à aucun moment, il y a un lien de gueule entre... Bah, enfin, parce qu'il n'y a pas... Bah, ils sont vachement à ça. Bah, parce qu'ils voulaient pas avoir un procès, c'est logique. Mais quand même, un minimum, quoi. Ce qui est bien avec Game Tree, c'est qu'on apprend des choses aussi. Ah bah là, ouais, putain, clairement. Et enfin, dernière question. Au Japon, il existe un jeu de tsunami où le personnage doit contrôler les marées et ravager la baie de Fukushima. Vrai ou faux ? Il s'appelle... Le jeu doit exister, mais tu dois pas ravager la baie de Fukushima. Je pense que tu dois pas ravager Fukushima, c'est pas leur genre. Mais le jeu de tsunami, ça doit exister. Alors vrai ou faux ? Je dirais faux, par déduction. Je te suis là-dessus. Il y a déjà eu deux vrais, il faut bien qu'il y ait un faux à un moment. Ah, il est fort. Le jeu s'appelle Tsunami Matsuta. Non, c'est faux. Vous avez 26 points, 26 à 7, regardez comme ça remonte. Attends, on n'a pas joué. Oui, c'est vrai. Donc, oui, bah, la capitalisation boursière pour vous, c'est ça? Non, nous, ça sera sur le jeu. Hein, qu'en pensez-vous, monsieur Juju Splinter? Oui. C'est dommage, j'avais des bonnes questions. Ouais, c'est ça, le troisième. On aura dû prendre PlayStation, parce que du coup, on va prendre un peu de challenge, et du coup, on va prendre le premier, hein, parce que le troisième, okay. C'est voilà. Pas à combien est coté Vivendi actuellement? 20,60€. Alors, la PlayStation n'est pas la première console de jeu en CD de Sony, vrai ou faux ? Ben, vrai. Ben, vrai, si on prend la SNES, Nintendo PlayStation. Je parle de vraie console sortie. Pas la première console de Sony, c'est ça que tu veux dire ? C'est vrai ou faux, la PlayStation n'est pas la première console de jeu en CD de Sony. Sortie, commercialisée, une vraie console de jeu, pas un projet dans les cartons. J'ai envie de dire faux. Mais... Ben, si la Super Nintendo CD, la machin PlayStation, elle compte pas. ICD, c'était Philips. Je dirais faux, hein. Qu'est-ce que t'en penses du jeu ? Faux ? Ben, elle est faux. Ouais. Allez, on est sur du faux. Ouais, ouais. Ben non, faux. Non. En 91, tu as un... Comment ça, non ? Ça commence à baliser, là, hein. En 91, ils ont commercialisé une version de leur Discman qui s'appelait l'Intelligent Discman qui permettait de jouer à des jeux en CD dessus, des jeux de Philips CDI en portable. Classe ! Voilà. Ah, tu vois, je savais qu'il y avait une histoire de CD. Je la veux. On a pareil. Des choses. Jay, et t'as commencé à claquer des fesses, hein ? Jay, on voit tout. Oui, mais... Oui, mais je suis en train de faire un truc vite fait sur... Attends, j'appelle ça des boobs, hein. Ouais, c'est vrai. Des boobs, mais ça. Donc voilà, vous apprenez, c'est un jeu... Jaloux, parce que t'en as pas, c'est tout. C'est un petit Discman, voilà, c'était sur le principe de son Discman, et ça s'appelait l'Intelligent Discman, et c'était fait, en gros, ça... Alors c'est marrant, parce que c'était avec Philips qui était leur concurrent à l'époque, en gros, c'était un Philips CDI en portable. Qui ressemblait à... Ouais, je suis content de la prendre. Ok. Il y a un concours sur eBay. Je sais pas, franchement, c'est vraiment un truc qui s'est pas... Ouais. Siphon Filter était le premier jeu qui a nécessité d'avoir le DualShock et les sticks analogiques. Vrai ou faux ? Siphon Filter. Je pense qu'il y avait. Non. Je pense qu'il y avait du DualShock avant Siphon Filter, non ? Qu'en pensez-vous ? Si, mais. Il pose la question, donc ça m'intrigue. C'est mon rôle de poser les questions. Repose la question, parce qu'il y a peut-être... Siphon Filter était le premier jeu qui a nécessité d'avoir le DualShock et les sticks analogiques sur la PlayStation. Ah, nécessité, c'est-à-dire que si tu l'avais pas, tu pouvais pas jouer. Moi, je me rappelle, je me rappelle de quel jeu exactement, je vais pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais je me rappelle exactement du premier jeu où, si t'avais pas la manette avec les deux sticks, tu ne pouvais pas y jouer. Non, faux, c'est pas Siphon Filter, c'est sûr que non. Ouais, allez, on... On dit non ? On dit faux. Ouais. C'était le deuxième, le premier c'était Ape Escape, où il fallait les deux sticks pour utiliser les paniers là, pour attraper les papillons, je sais quoi. Je le sais parce que je savais pas quel jeu c'était, mais j'avais Siphon Filter le premier et je n'avais pas la DualShock. Donc je savais que c'était faux, parce que j'y ai joué sans... T'étais pas obligé, mais ils s'étaient utilisés. C'était un des premiers où il y avait du gameplay à base des DualShock. Mais tu vois, moi, c'était... Voilà. 33 à 26, rien n'est encore perdu. Selon le designer de la PSX, que signifie le carré rose de la manette ? Ah ça, je sais. Et t'as dit quoi ? Selon le designer de la PlayStation, que signifie le carré rose de la manette ? Le carré rose de la manette. Que signifie le carré rose de la manette ? J'en ai aucune idée. On en a parlé pendant des mois et des mois sur tous les sites. Tu me laisseras répondre. Ils ont fait une infographie avec les quatre trucs, ce que ça signifiait, mais je sais pas. Ah, moi je sais. Allez, les gars. C'est. Carré rose. C'est PQ. C'est. C'est. Un truc genre plus adulte ? Je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas. Je crois qu'il y a une absence de réponse. Ah ouais. C'est pour dire que les jeux sont plus matures. Tu me dis quand je peux. Ouais. Non, j'en sais rien. Je sais pas. C'est du jambon. On veut pas t'écouter. De quoi ? C'est du jambon. C'est du jambon. Ça représente non, du jambon. C'est pas du jambon. C'est pas du PQ. Je sais pas. Jack, tu des cubes. Des cubes. Alors, me semblait-il que c'était les indications qu'il y avait devant les portes de métro. Ah, pas du tout. C'est une feuille de papier qui symbolise les choix dans le menu du jeu. Voilà. Ok. Et d'ailleurs... C'est une anecdote nulle, en fait. D'ailleurs, tout le monde s'en branle, moi le premier. D'ailleurs, c'est ça. La croix, ça signifiait faux. Le triangle, ça signifiait l'œil ou le point de vue. Et, dernière question, selon le designer de la PlayStation toujours, le rond symbolise un trou du cul, référence au joueur sur Sega. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Dreamcast. C'est faux. Au joueur dont la console préférée. Ça s'appelle tout simplement 8. 8 et non, donc, avec la croix et le rond. Ok, bah c'est terminé pour cette partie. 26 à 36, on a toujours les 10 points de différence. C'est incroyable. On va quelle vulgarité, les gars. On s'en fout. On dépasse l'heure, là. Allez, on s'en bat les couilles. Pour un taco, moi, je dépasse l'heure, bah les couilles. Hein. Des petites citations. Dans les commentaires, si vous avez une bonne adresse de tacos, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Par contre, si vous avez une mauvaise adresse de tacos, mettez-la aussi au cas où on perde. Et après, c'est pas cher, un peu cheap. Et après, au final, on peut se les faire livrer en Uber Eats. Mais y a pas d'Uber Eats. C'est quoi ? Moi, je préfère éviter de faire bosser les gens, même si c'est du Uber. Chez toi, il y en a. Voilà. On va terminer avec les citations. On va faire comme les grosses têtes, mais avec des petits bits, évidemment. Et cette fois, j'ai pris des citations qui viennent des jeux vidéo. Go ahead, make my day. Il faut trouver. Qui a dit « Quoi de mieux, être né bon ou dépasser votre nature malfaisante au prix d'immenses efforts ?» Allez, c'est un jeu récent. Ça a saccadé chez moi, je suis désolé. Faut donner le nom du jeu ou le nom du personnage ? Soit le nom du jeu, soit le nom du personnage. Qui a dit « Quoi de mieux, être né bon ou dépasser votre nature malfaisante au prix d'immenses efforts ?» The Witcher ? God of War ? Ouais, c'est un jeu récent dans le genre... Kratos ? Non. C'est un open world. Encore une fois la phrase ? Tezo ? Tu te rapproches. Elder Scroll ? Skyrim ? Skyrim. C'est Partunax, le dragon dans Skyrim. Ah, Partunax, ok. Bon. Ah, toi, tu veux ton tacos, c'est bien, j'aime bien cette attitude. J'avais pas dit 5 points par bonne réponse. Oh putain, on est bon, on est à 5 points là. On est en embuscade. Faut qu'on se réveille, Juju, on est pas bon. Plus que 5, t'as raison, on aurait pas dû jouer avant. 31 à 36. Qui a dit « Si tu possèdes un bien unique, le monde entier va tenter de te le prendre, même s'il n'en saisisse pas la véritable valeur ?» Là, c'est un jeu un peu plus oldies. Guy Rush Threepwood. Non, moins oldies. Seigneur des Anneaux. Non. C'est un... Tu peux répéter ? Si tu possèdes un bien unique, le monde entier va tenter de te le prendre, même s'il n'en saisisse pas la véritable valeur. C'est une personne qui a beaucoup de biens, sûrement très cher aussi chez elle, en général. Oldies, genre cinquième génération. Je sais pas ce que ça veut dire oldies pour toi. Ça commence seulement à être dans les oldies de Game Trip depuis là. Donc c'est dans un Zelda ? Non. C'est plutôt un mec qui collectionne, qui a beaucoup de trucs chez lui, sûrement de grande valeur, pas forcément payé d'ailleurs. Ah, c'est Juju. Pas payé ? Alors attends, c'est un mec qui a déjà plein de trucs. Tomb Raider. Non, c'est pas Tomb Raider. Ah, c'est Uncharted. Nathan Drake, Uncharted. On est dans les voilà, mais plus vieux que ça. Mais on est dans les mêmes éditeurs. Ah, Indiana Jones. Non. Alors attends, c'est pas Indiana Jones, c'est pas Uncharted. C'est pas Tomb Raider. Toto. Mais je veux savoir dans lequel et qui. Tu m'oublies. Ouais, alors c'est dans Vice City. Non. Don Corleone. On est pas loin. Scarface. Don Vito. C'est dans le 3. C'est dans le 3. Ouais, faut trouver des noms. C'est Don quelque chose, mais. Alors, j'ai pas joué dans les trois, merde. Il y avait les bonnes réponses un peu dans tout ça. C'est dans GTA 3 en effet. C'est pas Don quelque chose, c'est Donald Love. Parrain de la mafia. Ça veut dire que personne n'a juste là, c'est bon. Donc finalement, on est pas sur le gagnant. Tout à fait. Personne n'a juste, oui. Ouais, bon, personne n'a juste alors. Ouais, tu auras 5 points, mon tout gars. Tout le monde a faux. Celui qui a dit celui qui contrôle le passé commande le futur, celui qui commande le futur peut conquérir le passé. Il y a des indices dans la phrase. Celui qui contrôle. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Assassin's Creed. Non, celui qui contrôle le passé commande le futur, celui qui commande le futur peut conquérir le passé. StarCraft. Command and Conquer. Alerte rouge. Je l'ai dit en premier, tu fous de ma gueule. Ah, tu l'as. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Ah non, il a pas dit en premier, il a lagué. Il y a le replay, sérieux. Ah non, sérieux, j'ai dit en premier. Je crois que t'as lagué, malheureusement. Alors qui dans Command and Conquer ? Non. Les Nods. Non, ça ferme sa gueule, hein, ça connaît pas Command and Conquer. Le GDI. Ah putain, pas du tout. Je donne 3 points à chacun parce que vous avez en même temps. Les rouges. C'est le chef des GDI. Non, c'est Kane, oui, c'est Kane. Oh putain. Eh ben, c'est qui Kane ? Mais ce que j'ai dit oui, c'est Kane. Ah bah oui. Alors, j'étais plus classique que lui. Alors, fermez vos gueules. Je demande la VAR, hein, tu verras. Je regarderai la VAR. Je suis à 34-39. Une avant-dernière. Anote-toi ça, ouais. Ah, c'est pas un personnage de jeu vidéo, c'est un créateur de jeu vidéo qui a dit ça. Les jeux vidéo résultent d'un souhait naturel de faire faire aux ordinateurs des choses amusantes. Enigmo. Non. Molineux. Yokoi. Non. Molineux. Non. Miyamoto. Non, c'est pas ça. Non. Frédéric Rénal. Eric Chahi. Un Américain. America. Les jeux vidéo résultent d'un souhait naturel de faire aux ordinateurs des choses amusantes. Nolan Bushnell, exactement. Créateur de Pong. Non. Là, il y a du Google, là. Il y a du Google. Attention. Il n'y a pas de lag. Eh, c'est la dernière, et du coup, on est roulé à coups, là. 39, mec. Viens, check. Voilà, ça check, là. Ah oui, on a 39. Ah, mais je suis même pas plus. Ah, bah oui, 25 points. Bon, bah, ouais. Un point pour la bonne réponse, pour la dernière. Attends, et s'il y a la VAR, du coup, on a plus d'avance. Hein. En plus, ça va être une question de rapidité, là. Attention. Mario Bros. Attention. Qui a dit « J'ai parlé à des singes qui étaient plus polis que toi » ? Guybrush Threepwood. Sur le fil, dernier moment. Oui, Yak, oui. C'est pour nous, ça. C'est pour nous. Mais oui. Et voilà. Mais non. Voilà, t'as vu, t'avais dit qu'on pouvait glander, t'as vu ? C'est pas mon problème qu'il y ait du lag. Il faut avoir une bonne connexion pour gagner. Concrètement, on aurait eu Command & Conquer en plus, donc on les éclate d'une grosse... Mais non, Command & Conquer, je suis pas d'accord. Je suis sûr que je l'ai dit avant lui, et en plus j'ai été plus précis, donc voilà. Non, il a dit comme ça, Command & Conquer. Non, non. Mais moi, pour moi, je suis bon sur Command & Conquer. Ouais. Sur le fil à la toute dernière minute, le grand donc, des animateurs. Donc, les bonnes adresses de tacos dans les commentaires. Dans un rayon de 50-100 km autour de du Grand Est et un endroit où il n'y a pas de coronavirus. Coronavirus dans le Grand Est. Déjà, là, c'est bon. Ça va être c'est pour ça que ça sera très très cher, les tacos. En tout cas, merci à tous pour cette dernière allez, check, mon épisode de la saison. Bien joué à l'équipe d'Autriche de gagnants qui vient de remporter le haut. J'ai une réputation là. Après avoir été dernier quasiment toute la saison, merci à vous qui nous regardez. Alors aujourd'hui, vous êtes des très nombreux, hein, parce que je lis des commentaires dans le chat là. Bonjour Daniel, sans doute que tu es parti depuis une heure que tu nous as envoyé un message. voilà, vous êtes au moins oulala, tout ça pour cette dernière. Je rappelle sous ce live les timecodes pour voir tous les meilleurs moments et les pires moments de cette émission. Évidemment, vous continuez à nous écouter en podcast sur YouTube, youtube.gametrip.net, sur Spotify, la VOD. Cherchez GameTrip FM toute la saison et sur Spotify. On se suit évidemment sur GameTrip.net avec des dossiers, des tests qui arrivent. Facebook, Twitter, Discord. On se retrouve très vite ensemble sur les ondes, que ce soit ici sur YouTube ou sur GameTrip.net surtout. Et peut-être bientôt dans d'autres endroits, vous le saurez bien assez vite. Avec les copains qui seront là. Merci à tous pour cette belle saison, les amis. Portez-vous bien. Restez ouais, chez pas vous. De quoi. Dans son... En bonne santé. On se dit à bientôt, évidemment. On se dit à bientôt, vous aussi, qui nous regardez de chez vous. Et puis, on se retrouve très vite. Suivez-nous sur GameTrip.net pour tout savoir des prochaines émissions et des endroits où on se retrouvera pour la prochaine saison. Bon confinement, portez-vous bien, jouez. Et puis allez sur facebook.gametrip.net, on a fait un petit post sur les meilleures photos de confinement. Juju a mis une photo de son setup rétro gaming, de sa collection, tout ça. Allez mettre une photo là-bas. Merci à tous, à très bientôt. Ciao tout le monde. Les blancs gagnent prospère. Bonne nuit. Ciao. Ciao. Portez-vous bien.